飞飞下去所有的搭配，车速飘飞机要飞在飞，你也不能得开始把人先不必也在乎我被谁麻烦，下飞机我到底不是辛苦的老师不是谁，谁让你大爷独立于去把被动不会得选，不得比也不忙没法包容我给你打但是花了吗不会打是同胞，不得比也不忙没法包容我给你打但是花了吗不会打是同胞，阿妹都落地里略天的路地里变化来飞，阿妹都落地里略天的路地里变化来飞，生活在书本上我左右到落地压上毕业表了如果牺牲我工地，在生活在书本上我左右到落地压上毕业表了如果牺牲我工地，发烧的那些最终的恶控制的后勤就是给的多，结果你比没人付的面付毕业外婆把背景拿背，两个人我到了不是辛苦的老师歌声La vie taille tous les gueules Je pas fait ton pour une tâche Déshabillé et insistant Baron je fais pas de freestyle Serre-moi par la main Toi et moi on se connaît pas Déshabillé et insistant Baron je fais pas de freestyle Serre-moi par la main Toi et moi on se connaît pas Armé dans l'audit Lequel de nous deux il perdra la vie Armé dans l'audit Lequel de nous personne partage mon pêche par au tolo dans l'audit y'a sans billet vers le jour où si ça rencontre, personne partage mon pêche par au tolo dans l'audit y'a sans billet vers le jour où si ça rencontre, personne partage mon pêche par au tolo dans l'audit y'a sans billet vers le jour où si ça rencontre, personne partage mon pêche par au tolo dans l'audit y'a sans billet vers le jour où si ça rencontre. Armé dans l'audit, lequel de nous deux y perdra la vie.